بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc la dernière fois je m'excuse, ça a coupé, je m'en suis même pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte qu'une fois que le ders était fini, j'ai vu qu'il y avait plus de connexion. Je sais pas pourquoi. Donc je m'excuse, hein. Ce n'est pas une chose qui est habituelle avec le réseau de France. Au Yémen, ouais, ça arrive, mais ici, normalement, ça ne va pas arriver ce genre de choses. Qaddarallahu ma sha'a fa'al. Bon. On va poursuivre aujourd'hui. Et on va parler principalement des shurut de la salat. Car en fait, ça concernait le ders précédent et le ders d'aujourd'hui. Dans le ders précédent, on avait citer l'obligation de les salawat, 5 salawat par jour, et en groupe au masjid pour les hommes s'ils peuvent. On avait expliqué qu'il y avait 17 raka'at en tout, qui sont elles-mêmes réparties en 5 salawat. On avait dit que lorsque le temps rentre, on fait l'azan. On avait dit que celui qui entend l'azan, il répète ce que dit le mu'azzin. Donc là déjà, la 67e mas'ala concerne les conditions de la salat. Le temps. Awalen, short as-salat, shurut, ce qu'on appelle les conditions. Short ma'hu fi shara. C'est ma yulzam min adami al-adam wa la yulzam min wujudihi al-wujud. C'est une chose, lorsqu'elle est absente, je ne sais pas comment on dirait, cela implique l'invalidité de l'acte se basant sur elle, sur cette condition. Mais la présence de la condition, elle n'implique pas forcément la validité de cet acte. C'est-à-dire, une condition, quand elle n'est pas remplie, l'acte il est invalide, sûr. Mais lorsque la condition est remplie, il n'est pas sûr que l'acte soit valide pour d'autres raisons. Masalan, parmi les conditions de la salat qu'on a pris dans le dernier ders, le temps. La rentrée du temps. On fait l'azan. Maintenant, est-ce que toute personne qui fait la salat dans son temps, la salat est forcément valide? Non, car il y a d'autres conditions à remplir. Mais il est certain que s'il ne la fait pas dans son temps, elle est invalide. À part pour une excuse légiférée, comme en voyage, ou pour le malade, ou pour la pluie, pour certains savants. Ou quelqu'un qui n'aurait pas l'heure. Certaines personnes, des fois dans des situations, ils n'ont pas l'heure. Dans des situations, on va dire, un peu extrêmes, mais qui existent, ils n'ont pas l'heure. En dehors de cela, celui qui fait une salat hors de son temps, parmi les salat obligatoire, celle-ci n'est pas valide. Pourquoi? Car la condition n'a pas été remplie. Mais si jamais il fait la salat dans son heure, est-ce qu'on va dire, khalas, ta salat, elle est valide automatiquement? On dit non, il y a d'autres conditions à remplir. D'autres obligations également. Vous voyez? Donc voilà. Et la condition, c'est une chose qui est extérieure à l'acte. Contrairement à l'obligation. Ou au pilier. Les obligations d'un acte et ses piliers, eux, font partie intégrante de l'acte. Alors que la condition, elle, c'est une chose qui est extérieure à l'acte. Par exemple, le temps de la salat. Est-ce que le temps fait partie de la salat en elle-même? Non, c'est une chose qui est externe. Donc là, c'était la première condition qu'on avait pris dans le ders d'hier, qui est le temps, la rentrée du temps. On va prendre une autre condition là, dans les masa'il que le shir a cité, puis on y ajoutera les autres par la suite. Donc il a dit fil mas'ala at-tasi'ati wa 69e mas'ala idha qumta ila as-salat fastaqbil al-qibla. Lorsque tu te lèves pour accomplir la salat, fais face à la qibla. Wa ad-dalil qawlu 'azza wa jall fala nuwallinaka kibratan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra. Nous allons donc te tourner vers une direction, c'est-à-dire la Qibla, que tu agrées. Fais donc face à la mosquée sacrée, et où que vous soyez, faites-lui face. » Donc ce verset-là était venu pour abroger le jugement antérieur qui était que les croyants, au début, se tournaient vers Al-Bayt al-Maqdis. Ils ne se tournaient pas vers la Qibla. Avant cela, ils se tournaient vers Bayt al-Maqdis, qui est actuellement en Palestine. Et ensuite, Allah Azzawajal a décrété que la Qibla de la salawat pour les croyants était désormais la Kaaba. Donc parmi les conditions de la salat, faire face à la Qibla. Et il n'est pas une condition d'être sur sa lignée exacte, mais d'être en sa direction de façon large lorsqu'on ne la voit pas. D'accord ? C'est une chose qui est large. Sans quoi il serait impossible d'être sur la lignée de la Kaaba exactement. Ce n'est pas possible. Donc Allah Azzawajal, par sa grande rahma, ne nous l'a pas imposé. Mais il faut être en sa direction de façon large. Mais celui qui la voit, par contre, lui doit faire face à la Kaaba directement, bien évidemment. Donc là, maintenant, ça fait deux conditions qu'on a prises. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Ça fait deux conditions qu'on a prises. Qui sont, la première, l'entrée du temps. La deuxième, faire face à la Qibla. Taïb. Il y en a d'autres avant ces conditions-là. L'une qui est valable pour tous les actes en islam, c'est l'islam. Il faut être musulman. Celui qui n'est pas musulman, quoi qu'il fasse, ses actes sont vains. Que ce soit salat, que ce soit siyam, que ce soit sadaqa, que ce soit hajj, que ce soit ce que vous voulez, celui qui n'est pas musulman, Allah Azzawajal n'accepte rien de lui. Donc, première condition, être musulman. Ensuite, il y a, comme on l'a dit, l'entrée du temps. On a dit faire face à la Qibla. Autre condition qu'on a pris au début du chapitre, qu'il faut être à la tahara, être en état de purification. Soit purification, yani mineure, ou soit majeure, en fonction de l'impureté dans laquelle le croyant s'est trouvé. Si c'était le mineur, il fait les ablutions. Si c'est la majeure, il fait le ghusl. Non. Il faut également que ce qu'il porte comme vêtement soit pur, qu'il n'y ait pas de najasa sur lui, ou ni dans le lieu dans lequel il se trouve pour faire la salat. At-tahara, fi nafsihi, wa fi ma yalbas, wa fi ma yakum fi. Voyez, qu'il soit lui-même en état de purification, que ses vêtements soient également purifiés, c'est-à-dire pas de najasa sur lui, et le lieu où il se trouve également. Ensuite, il y a sitr al-awra, de cacher les parties intimes. Elles ne doivent pas apparaître durant la salat. Et celles-ci, parties intimes, à la base, elles sont les mêmes pour l'homme que pour la femme, sauf que la femme est une aura en elle-même complètement. Voilà pourquoi elle doit se couvrir entièrement lors de la salat. Des pieds à la tête. Elle doit juste laisser découvrir son visage pendant la salat et ses mains. Et il est permis que ses pieds apparaissent également. Mais qu'il est préférable qu'elle les couvre, mais s'ils apparaissent, par exemple, elle n'a pas de chaussettes ou quoi, la salat, elle est valide. Cela était rapporté que certaines sahabiyat le faisaient. Tandis que l'homme, lui, sa awra, c'est des genoux jusqu'au-dessus du nombril. Hadi wal awra al mukhaffafa. C'est la partie intime, on va dire, légère. Et il y a la awra al mughallaza, celle qui est plus stricte, celle qui se base du haut des cuisses jusqu'en bas du nombril. Après, les ulama divergent. Est-ce que la awra al-mukhaffafa, si elle apparaît, est-ce que ça annule la salat? Certains disent oui, certains disent non. Taïeb, le rajih, je ne pourrais pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en dehors de la salat, si la awra al-mukhaffafa apparaît, ce n'est pas un péché. Par exemple, une partie de ta cuisse, elle apparaît, ce n'est pas un péché. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà enfourché un cheval et que sa cuisse était apparue. Si c'était interdit, bien sûr, il l'aurait fait comprendre, il l'aurait fait savoir. Mais ça, c'est dans on va dire, des situations comme ça, des choses qui ne sont pas, on va dire, volontaires. Si ça arrive, ce n'est pas grave. Sans quoi le musulman, il a une haya, il a une pudeur. Ou le haya min al-iman, la pudeur partie de la foi, comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, la femme, si elle se trouve en présence d'étrangers, qui la voit quand elle fait la salat, alors elle se couvre entièrement, visage et mains. Donc après la awra, donc on a dit, on répète, l'islam, on a dit le temps de la salat, on a dit faire face à la qibla, on a dit at-tahara, purification, on a dit que la awra doit être, elle, recouverte. Il y a une qui est très importante également, c'est l'intention, al-niyya. Celle-ci également, elle est valable pour l'ensemble des actes d'adoration, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'mal bin-niyyat. Que les actes ne valent que par les intentions et que chacun soit en contribué en fonction de son intention. Donc on avait déjà pris également au début du livre, enfin plutôt du chapitre, al-niyya. L'auteur avait commencé par ce point-là, l'intention. Quand tu fais la salat, tu mets une intention. Et chaque salat, elle a une intention qui lui est propre. La salat du dhuhr, elle a une intention pour le dhuhr. Celle du asr, elle a une intention pour le asr, ainsi de suite. Taïeb. Et on avait également dit qu'il ne fait pas partie de la sunna que de prononcer l'intention à voix haute. Ça, c'est une bid'a. Ce n'est pas à faire. Parmi les conditions également, la raison. Que la personne soit sobre. Quelle est sa raison? Et qu'il ne soit pas fou également. Il y en a un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah, que la plume a été levée de trois personnes. Anaim hatta yastayqiz, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Al-sourir hatta yablour, celui qui est encore en bas âge jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Wal-majnoun, et le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc le fou, ou celui qui perd la raison, une personne qui serait ivre également, ou autre, la salat n'est pas acceptée. C'est une condition qui doit être remplie. Il y a également etamiyiz, l'âge de distinction, et non pas le boulot. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah, mouru awlaidakum bis salat, izekana amrum saba, wadribuha alayha izebara'u al-ashr. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ordonnez à vos enfants de faire la salat lorsqu'ils ont 7 ans. Et frappez-les pour la salade s'ils ne la font pas lorsqu'ils ont 10 ans. Donc ce qui prouve qu'à 7 ans, l'enfant n'est pas pubère. Malgré cela, la salade lui est ordonnée d'être faite. Cet ordre ne concerne pas l'enfant. Cet ordre concerne ses tuteurs. C'est-à-dire si l'enfant ne fait pas salade, il n'a pas de péché, lui. On l'a dit auparavant que l'enfant, ses actes ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire il n'y a pas de péché sur lui. Donc quand il fait une chose qui est haram, l'enfant n'est pas pris en compte. Mais les tuteurs de l'enfant, eux, ont l'ordre de lui ordonner. Donc s'ils ne le font pas, ceux qui auront un péché. Donc il doit faire attention à cela. Et le tamiz, généralement, ça vient entre les 7-8 ans. C'est l'âge où le garçon commence à distinguer qu'est-ce qu'une femme. Et la fille arrive à distinguer qu'est-ce qu'un homme, à peu près. Donc c'est souvent vers les 7-8 ans. Par contre, cela n'empêche pas qu'un enfant, avant les 7 ans, puisse faire la salat. On l'avait expliqué la dernière fois, si l'enfant est mouaddab, il se comporte bien, il sait se purifier, et il sait faire les gestes de la salade comme il faut, il peut faire salade avec les grands, dans les rangs. S'il en a envie, cela lui est permis. Même recommandé, comme ça, c'est l'habitude depuis petit à faire salade en groupe, avec les adultes. Mais s'il ne veut pas, il ne faut pas le forcer. Par contre, à 7 ans, il faut lui ordonner. Maintenant, s'il ne la fait pas, il ne faut pas non plus arriver, lui tomber dessus, comme s'il avait commis un acte immonde. Le but, c'est de lui ordonner. Après, s'il ne l'a pas fait, on ne l'a pas vu, ce n'est pas grave. Mais il faut ne pas oublier de lui rappeler à chaque fois. Est-ce que tu fais la salate, c'est-à-dire de la salate, fais salate, ou akaza. Nam. Et aussi, un thème très important, c'est l'âge de l'enfant. Quand on dit qu'il a 7 ans, une erreur sur laquelle beaucoup de nous ont fait, c'est la date sur laquelle on se base pour connaître notre âge. La date prise en compte, c'est la date égyrienne, pas la date grégorienne. On ne regarde pas 2001, 2002, 2003. Non, on regarde les années égyriennes qui sont lunaires. C'est là-dessus qu'on base notre calendrier à la base et c'est là-dessus qu'on base notre âge. Et tout est pris en compte là-dessus. Le ramadan, c'est hijri. Le hajj, c'est hijri. Tous les mois qu'on prend, c'est hijri. Donc c'est là-dessus qu'on se base. Donc quelqu'un il dit par exemple, oh, mon enfant il est né le 7 novembre, il n'a pas encore 7 ans. Il dit, t'es sûr ? Calcule bien en calendrier égyrien, ça se trouve les 7 ans, les a déjà. Parce que chaque année, avec les égyriens, tu avances. C'est-à-dire en année égyrienne, on est plus âgé en réalité. Je ne sais pas au bout de combien on gagne un an. Au bout de combien de temps ? Tu te rappelles ? À partir des ans, tu gagnes un an. Je pense plus. Avant Akfar, je pense que c'est plus que un an, plus que 10 ans. Ah ouais. Ah, parce que moi, quand j'avais calculé mon âge, j'avais un an de plus et j'avais bien plus que 10 ans. J'étais déjà. Donc j'aurais eu 2 ans de plus normalement. Ah ouais, c'est plus que 10 ans. Bref, le Mouhim, que l'enfant, par exemple, tu penses qu'il n'a pas encore les 7 ans alors qu'il les a déjà. Donc il faut surveiller le calendrier égyrien et non pas grégorien pour cela. Non. Donc là-dessus, les parents doivent faire attention par rapport à leurs enfants. Maintenant, on n'appelle pas à faire les anniversaires. Là, on dit pour surveiller l'âge de l'enfant, il faut regarder cela. Un mal anniversaire en soi, c'est une chose qui n'a pas d'origine en religion. Ni le nôtre, et encore moins celui du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui aura lieu ces jours-ci, ce qu'il appelle le Mawlid Nabawi, qui est une bid'a, comme vous le savez, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait pour lui, les sahabas ne l'ont pas fait pour lui, donc on n'a pas à le faire non plus. Ce n'est pas une preuve d'amour. Au contraire, la preuve d'amour, c'est de suivre la sunna, et de faire ce qu'il a fait, et de délaisser ce qu'il n'a pas fait, et de comprendre la religion comme l'ont compris les sahabas, radiallahu anhum. Et ce maulid est une chose qui est venue, à la base, bien plus tard que la période des siècles vertueux. Non. Donc là, ça fait combien de shurut? Je ne me rappelle plus le nombre. On l'a toute faite. On l'a toute faite. On va la récapituler. On récapitule. L'islam, en premier lieu, être musulman. D'accord ? La niya, l'intention. Dukhul waqt, l'entrée du temps. At-tahar, la purification, surtout. Al-aql, avoir la raison. Al-tamiz, avoir atteint l'âge de distinction. Il y a quoi encore ? Adjunction, sotr al-awra, cacher les parties intimes, faire face à la qibla, ça fait 8. À moins il y en a 9. J'en oublie une. Ou peut-être que tahara, ça rentre dedans, ouais. Ils ont divisé peut-être, parce que moi j'ai tout mis ensemble. Tahara du... que le musulman soit tahara lui-même, et d'autres disent que également ses vêtements et le lieu où il fait salat. Peut-être là-dessus, ils divisent. Moi, j'ai tout mis ensemble. Donc là, ça fait 8. Normalement, ils sont 9. C'est peut-être ça, ouais. Non. Donc voilà les conditions. Et on a expliqué que la condition, même si elle est présente, cela n'implique pas que la salade sera valide, forcément. Par contre, si elle est absente, il est certain que la salade sera invalide. Il est certain que la salade sera invalide. Non. Donc lui, l'auteur... Depuis le début du livre, il a cité la niya, il a cité la tahara, il a cité l'entrée du temps, il vient de citer de faire face à la qibla. Les autres, on les a rajoutés, afin que le sujet soit plus complet, biznillah ta'ala. Naam. Voilà, ça donne sonakta fi yadalium. Donc celui qui a compris cela, « Al-Akhil Azim »« Wa yuntabala liyanna salatana babniyatun aladi shurut » Il faut faire très attention et ne pas être laxiste sur ce sujet-là, car cela en va de la validité de notre salat. Bien faire attention à tout cela. Et ensuite, on citera également les piliers de la salat et ses wajibat, ses obligations. Biznillah ta'ala. Ah, j'ai oublié de préciser, vendredi prochain, Inch'Allah, ce sera une intervention qui aura lieu, elle sera entre le Maghrib et le Isha. Je ferai l'annonce. Donc le ders sera retardé. Il sera plus un rappel, kalima, pas un ders. Le prochain ders sera Biznillah Yom al-Ithnain, al-Ati, Inch'Allah ta'ala. Lundi prochain. Prochaine intervention, vendredi, entre le Maghrib et le Isha. Inch'Allah. Hafizakumullah. Wa subhanaka wa bihamdik. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك